Donc, vous vous trouvez, comme tous les mardis, mercredis soir, pardon, de 20h30 à 22h. Chut. Sur l'émission Transdanar, l'émission anarchiste de Radio Air Libre. Notre adresse est toujours le 365A, chaussée d'Alzenberg, 1190 Bruxelles. Notre numéro de téléphone, 02 344 58 55, 02 344 58 55. Voilà, ce soir, nous avons beaucoup d'invités. Nous avons l'Italie chez nous. Bonsoir. Elisa, Alexandra, je crois. Roberta. Non, Roberta. Non. Roberta et Honey. Et Honey. Honey. C'est ça? Honey. OK. Et elle vient de la Suède. Ah, de la Suède. Ouais. Ah, OK. Alors, donc, elle n'est pas italienne? Non. Ah, je pensais qu'elle était italienne aussi. Non. Sorry. Donc, vous allez nous parler de... On va parler des féminismes ce soir. On commence d'abord avec l'Italie, les cas italiens et les mouvements non una di meno. Et je ne sais pas comment le traduire en français, c'est... Pas une de moins. Ouais. Et après, on aborde plutôt la Suède. Ce sont deux cas différents des mouvements et aussi on va aborder la violence contre les femmes dans les deux pays et les mouvements qui sont nés après. Ok. Donc voilà. Donc avant ça, on va peut-être passer un petit morceau de musique, monsieur l'anarchiste ordinaire. On va passer de la musique italienne. Mais je n'avais pas prévu qu'il y ait une Suédoise, sans ça on aurait amené Abba. Mais bon, elles ne sont pas là, voilà quoi. Moi, je n'ai pas de Abba. De toute façon, je n'ai pas de Abba dans ma discothèque. On est abattus. Alors là, on va passer de la musique italienne. Qu'est-ce qu'on passe comme morceau? Ah oui, Adieu Lugano. Addio Lugano bella, o dolce terra pia, scacciati senza colpa gli anarchici van via e partono cantando con la speranza in cuore. E partono cantando con la speranza in cuore. Ed è per voi sfruttati, per voi lavoratori, che siamo ammanettati al far dei malfattori. Eppur la nostra idea è solo idea d'amore. Eppur la nostra idea è solo idea d'amore. Anonimi compagni, amici che restate, le verità sociali da porti propagate, e questa è la vendetta che noi vi domandiamo. E questa è la vendetta che noi vi domandiamo. E tu che ci discacci con una vil menzogna, Repubblica borghese, un dì ne avrai vergogna, ed oggi t'accusiamo in faccia all'avvenire, ed oggi t'accusiamo in faccia all'avvenire. Scacciati senza tregua, andremo di terra in terra a predicar la pace ed a bandir la guerra. La pace fra gli oppressi, la guerra agli oppressori. La pace fra gli oppressi, la guerra agli oppressori. Elvezia il tuo governo, schiavo d'altrui si rende, d'un popolo gagliardo le tradizioni offerte. madre e insulta la leggenda del suo Guglielmo Tell. E insulta la leggenda del suo Guglielmo Tell. Addio cari compagni, amici luganesi, addio bianche di neve, colline ticinesi, i cavalieri erranti son trascinati al nord, i cavalieri erranti son trascinati al nord. Alors, bonsoir, laisse la parole à Roberta qui va parler en italien et je vais faire la traduction après. Buonasera a tutte e a tutti, grazie dell'invito, sono molto contenta di essere qui e di parlare un po' della situazione in Italia anche in vista di questa data importante dell'8 marzo, che è la giornata internazionale delle donne. Innanzitutto volevo dire che a noi ci piace parlare di donne e non di donna, e quindi mantenere sempre una dimensione collettiva e credo che sia un punto molto importante. In particolare, diciamo, la situazione italiana, vi riporto un po' di dati, è piuttosto messa male, diciamo. In quanto questi sono dati dell'Istat, che è l'Istituto di Statistica italiano, nel 2016 ha contato 149 donne uccise, quindi 149 femminicidi in Italia, che significa più di una donna ogni 3 giorni. E 118 di queste donne sono state uccise da ex partner, ex mariti, familiari. Dunque, il primo dato che vorrei portare all'attenzione è il fatto che la violenza sulle donne è una questione strutturale di questa società e di tutte le e trasversale a tutte le società e a tutte le etnie. Questo è un punto, anche perché in Italia c'è molto questa propaganda razzista, per cui quando una violenza viene agita da un uomo non italiano si usano i corpi delle donne per fare propaganda di espulsione di queste persone, mentre invece la questione della violenza sulle donne è una questione innanzitutto che prima di tutto avviene all'interno delle famiglie ed è assolutamente trasversale a tutte le culture. Alors, mais d'abord, merci pour l'invitation chez cette radio. On est très content d'être là parce qu'on est très proche du 8 mars, que c'est une date très importante pour toutes les femmes. On parle d'abord des femmes toujours à un niveau pluriel, parce qu'on pense toujours qu'il y a une dimension que c'est collectif d'être femme. Moi, je voulais parler de l'Italie parce que dans les dates qu'on a de l'Institut italien de statistiques, qui sont datées de 2016, on a des dates très alarmantes parce qu'il y a 149, c'est plus ou moins 150 féminicides dans l'année 2016. C'est-à-dire qu'il y a un féminicide plus chaque 3 jours, plus ou moins. Donc ça veut dire une femme est morte, hein, tuée par les 3 jours, c'est ça? Oui. Et l'analyse qu'on a fait de cette statistique, c'est que c'est un problème structurel qui est transversal à la société, à l'ethnie. Et surtout parce qu'il y a on voudrait bien les souligner, parce qu'en Italie, il y a aussi une propagande qui est très raciste. Et alors que s'il y a des cas de féminicides qui sont faits pour des hommes qui ne sont pas italiens, ça amène aussi à la propagande d'expulsion. On ne veut pas des gens étrangers parce qu'ils sont violents, ils sont... Oui, ils sont dangereux. Mais on voudrait plutôt porter l'attention sur le fait que c'est sont des morts qui normalement sont pour des gens qui sont très proches à les femmes. Ce sont des partenaires, des ex-partenaires, des gens qui font partie de la famille. Alors, c'est vraiment une violence structurelle, familière, dans la proximité. Et c'est vraiment sur ça qu'on voudrait bien mettre l'attention. Grazie Elisa per la traduzione. Quello che voglio dire quando parlo di questione strutturale è che quello che non si riesce a superare è l'idea che la donna sia una proprietà del maschio. Questo è il punto. E questo è il punto che attraversa tutte le culture. E ovviamente la violenza sulle donne non è solo violenza fisica, ma è anche ad esempio le dimissioni in bianco che vengono fatte firmare alle donne in vista di un'eventuale gravidanza. È anche il cosiddetto tetto di cristallo, cioè che le donne non accedono alle posizioni decisionali della società, della politica, delle accademie, ed è anche quello che si chiama il gender pay gap, cioè che le donne in Europa guadagnano il 16% in meno degli uomini a parità di occupazione. In Italia nel novembre del 2016 è nato questo movimento che si chiama Non Una di Meno, che nasce da una chiamata globale delle compagne femministe argentine. E questa espressione significa non una donna di meno, cioè non una donna in più vittima di violenza. Questo è il significato. Questo movimento dal novembre del 2016 ha portato in piazza attraverso tre manifestazioni nazionali oltre 500.000 donne. Ma la cosa interessante è che ha assunto davvero una dimensione di rete globale, cioè le donne italiane che fanno parte di questo movimento sono in contatto con le donne argentine, con le donne spagnole, con le donne statunitensi che si coordinano sia per quelle date che sono un po' delle date focali, come il 25 novembre che è la giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne, sia ad esempio con l'8 marzo. Che è appunto la giornata internazionale delle donne. Ok, on reprend, on a terminé. Roberta reprend le concept de structurel. Il dit que structurel la violence contre les dents parce que c'est aussi une question des propriétés des femmes. Des donnes. Des donnes. Les femmes. C'est parce que les corps des femmes, c'est aussi perçu comme une propriété par les hommes. Et c'est ça la structuralité de la violence. Elle parle aussi d'une définition de violence qui va au-delà de la violence physique, non? Il y a de la violence aussi quand on est forcé à être démissionné parce qu'on est enceinte, sans aucune motivation. Et il y a aussi le fait que les femmes n'ont pas accès à des positions managériales, décisionnelles dans les structures de travail. Il y a aussi le fait que les femmes sont payées moins que les hommes, aussi en Europe. Et c'est à partir de là que dans novembre 2016 est né un mouvement international qui en italien s'appelle Non Una di Meno, en français on a dit que c'est Pas une de moins. Pas une de moins. Que ça signifie qu'on veut plus des victimes des violences et des mortes, des femmes mortes pour des violences masculines. Et ça, c'est très intéressant, Robert a bien expliqué, parce que c'est un mouvement global qui est né en Argentine et qui a vraiment connecté tous les féministes dans le monde qui luttent contre la violence contre les femmes. Et ça, c'est grâce à ces mouvements que tous ces gens sont coordonnés. Pas seulement pour des dates très importantes comme le 25 novembre, parce que c'est le jour international contre la violence contre les femmes, mais c'est aussi le 8 mars qu'on va aborder après, parce que c'est une date très importante. Et ce type de mouvement en Italie a amené dans les rues 500 000 femmes dans trois manifestations qui s'étaient organisées. Et c'est fort de ces mouvements globaux qu'il y a un mouvement italien qui a amené aussi à des revendications très fortes. Et dal novembre del 2016, dove c'è stata questa prima manifestazione in occasione della appunto giornata contro la violenza sulle donne, e questo movimento si è incontrato per un anno intero e ha redatto un piano antiviolenza femminista che vuole rispondere a quei piani antiviolenza dettati dal governo italiano che hanno un approccio sempre e soltanto securitario, cioè le donne vanno protette dai militari. E questo piano antiviolenza, di non una di meno, parla invece di una ristrutturazione della società che va incontro a una società più libera per tutti. Una delle caratteristiche più interessanti di questo movimento è che pur essendo un movimento femminista, anzi che si definisce transfemminista, non è stato chiuso agli uomini. Gli uomini potevano partecipare, possono tuttora partecipare a questi incontri, ma la cosa interessante è che partecipano aderendo a delle regole politiche di una politica femminista fatta da donne. E questa è una cosa rivoluzionaria, perché di solito i movimenti misti, cioè fatti sia da uomini che da donne, sono movimenti che ricalcano movimenti creati da maschi, dove le donne pian piano nella storia hanno anche preso parola, hanno portato le istanze delle donne, ma con modalità di impronta di movimenti maschili. E non una di meno invece ha fatto un'operazione inversa, cioè ha aperto ai maschi, ma con secondo le regole della politica femminista. Ed è una grande messa alla prova, sia per noi donne che ne facciamo parte, sia anche per quegli uomini che decidono di farne parte, perché è una grossa messa in discussione di sé, della propria provenienza, genealogia e quant'altro. Allora, c'est à partir del 8 mars 2016 che pendant une année, tous les féministes italiens, ils ont construit un plan anti-violence à soumettre au gouvernement italien. Cet plan se base sur la contraposition des plans anti-violence du gouvernement, qui est basé sur un plan de sécurité, c'est-à-dire les femmes sont protégées de manière militaire, c'est-à-dire on crée un système de sécurisation contre la violence. Mais c'est les plans que les mouvements ont proposés, les mouvements féministes italiens, c'est plutôt de restructurer toute la société et de créer une société plus libre pour tous et toutes. Alors c'est vraiment à partir de ce changement de paradigme qu'est né le plan que Roberta elle a bien dit. C'est un mouvement italien qui s'appelle transféministe. Et la chose intéressante, c'est qu'elle n'est pas exclusive, elle est aussi ouverte aux hommes, mais les hommes, ils doivent adhérer quand même à une pratique féministe. C'est un grand changement historique, parce qu'elle disait que les modèles féministes sont toujours basés sur des pratiques masculines. Et c'est à partir de ces mouvements italiens qu'il y a une inversion des tendances et l'ouverture à les hommes, ça passe pour une discussion ensemble de tous les paradigmes, de toute l'identité, pour avoir une approche pro-critique et aussi féministe, que ce soit pour les femmes et pour les hommes. Et... Durante questo anno ci sono stati dei tavoli di discussione tematici su lavoro e reddito, sui media, sulla narrazione dei media, su come i media narrano la violenza sulle donne, perché ne parlano fondamentalmente come raptus di gelosia, questioni private, mentre invece l'accento va messo sul fatto che è una questione strutturale della società. E, sull'educazione, in quanto questo movimento pensa, sostiene fermamente che l'educazione e la formazione senza stereotipi debba cominciare da età, dall'età dell'infanzia e i libri di testo devono essere rivisitati in una chiave tale da portare alla luce il ruolo delle donne nella storia e anche la questione migrante è una questione che è stata affrontata in uno dei tavoli tematici, in quanto questo movimento, le donne che fanno parte di questo movimento, gli uomini che fanno parte di questo movimento, le persone trans, gay, lesbiche, eccetera, non credono che la liberazione possa essere qualcosa di imposto, ma debba provenire, prima di tutto, è una trasformazione che avviene dentro di sé e che poi si porta fuori nella società. Dunque le culture che attraversano questo territorio sono ormai molteplici, non ci sono solo culture occidentali, ciascuna porta la propria tradizione e sono le donne che devono portare all'interno della loro tradizione, della cultura a cui fanno riferimento, il loro cambiamento. Questo è il punto. Non c'è un approccio colonialista, non c'è un pensiero per cui siccome siete arrivate qui, allora dovete sottostare a queste regole. Non c'è una cultura prima di fronte a culture seconde, ma c'è un dialogo interculturale. Questo è l'approccio che si è voluto tenere. Ok. Il y a différentes thématiques qui sont abordées dans cette plan. Il y a un qui est très important, que c'est le travail et la question du salaire. Il y a une question que c'est la médiatisation de la violence contre les femmes, parce que toujours il est raconté comme une violence de jalousie. C'est-à-dire c'est des raptus, des jalousies, et aussi il y a une victimisation des femmes, aussi faite pour les médias. Et c'est toujours raconté comme en question que c'est une histoire individuelle, privée, et c'est pas quelque chose de structurel, c'est ça qu'il faut changer. Il y a un grand chapitre sur l'éducation et la formation des jeunes générations, parce que c'est à partir de les gens de la jeunesse qu'il faut aborder les concepts stéréotypés. Et il faut donner à l'enfance les instruments pour comprendre cet stéréotype et aussi utiliser des textes où il y a aussi un rôle central des femmes dans l'histoire, reprend l'histoire des grandes femmes dans l'éducation primaire. Et un grand chapitre où je suis personnellement très attachée, c'est la question migrant, où il dit clairement que la libération ne peut pas être imposée. La libération ne peut pas avoir une approche coloniale. Et il n'y a pas une culture et une deuxième culture. C'est un dialogue interculturel qu'il faut aborder. Il ne faut pas être occidental quand on est en train d'accueillir des gens qui viennent des autres pays. La tradition, c'est un bagage qu'ils amènent. Et comme femme, c'est à leur d'amener des luttes, des changements dans leur culture. Et c'est à partir de là que les changements s'appartent. C'est à partir de les gens, de soi-même, qu'on porte les changements. Et à partir de là, ça peut changer la société, la culture, les pays où on est accueilli. E adesso ci avviciniamo a questa data cruciale che è quella dell'8 marzo, dove per la seconda volta, anche l'anno scorso è stato così, stiamo organizzando in Italia uno sciopero femminista. E, ovviamente le domande che ci siamo fatte per organizzare questo sciopero è come possiamo far scioperare quelle donne che non hanno un contratto strutturato, perché viviamo appunto nella società della precarizzazione, dove sono nati tutti questi contratti atipici che spesso non portano gli stessi diritti dei vecchi contratti. E quindi anche qui sono nate, innanzitutto è nato un vademecum femminista con tutte le spiegazioni possibili e immaginabili su come agire questo sciopero, non tanto che tipo di pratica o di flash mob portare nelle piazze, ma quali sono i diritti a seconda della situazione contrattuale o non contrattuale in cui si trovano queste donne per poter partecipare a questo sciopero. Come potersi rendere visibili in una situazione in cui non si ha un contratto tale per cui lo sciopero tradizionalmente detto ti dà questo tipo di visibilità. E quindi ovviamente lo sciopero non è soltanto, essendo uno sciopero femminista, non è soltanto uno sciopero dal lavoro produttivo, ma è anche uno sciopero dal lavoro riproduttivo. Ossia sono sempre le donne, e qui riporto un dato globale, quelle che si occupano del lavoro riproduttivo. Che cos'è il lavoro riproduttivo? È quel lavoro che permette di sopravvivere quotidianamente e che quindi permette agli altri o anche a se stesse di andare al lavoro propriamente detto e quindi essere produttive anche. Quindi è il lavoro di cura degli anziani, dei bambini, della casa, e sono ancora ovviamente molto più le donne che gli uomini ad occuparsi di tutto questo. E dunque non è soltanto per rendere visibile questa cosa qui, che non è affatto visibile, che non è conteggiata, che non è retribuita, anche qui si sono pensate diverse pratiche. Nonché è uno sciopero anche dai consumi. Per una intera giornata l'invito è quello di non consumare e rendere visibile la presenza delle donne sottraendosi dal consumo. Ok. Allora, l'organisation pour le 8 mars, c'est la deuxième fois qu'on organise une grève féministe. Et cette année, on a aussi encore et plus à fond réfléchi sur qu'est-ce que signifie faire un grève féministe quand on a des gens qui sont sans des contrats institutionnels de travail, qui sont sujets à tous les mondes contemporains des contrats occasionnels, aussi, je pense, des travail noir, non? Ça fait partie de cette histoire des précarisations. Alors, ils ont fait un vademecum, ça je ne vais pas la traduire en français, féministe, sur comment agir et avoir des pratiques. On ne parle pas des flash mobs, bien sûr, on parle des droits et comment faire pour faire si que les gens comprennent qu'on a des droits et qu'on rend visible notre action dans la société dans une situation de travail précarisé. C'est-à-dire comment on peut faire avoir une grève quand on n'a pas un contrat avec des droits clairs aussi pour les grèves. C'est-à-dire comment donner une visibilité à des gens qui ne sont pas trop visibles. Et un autre grand fil rouge de réflexion, c'est le travail, que c'est si productif, mais c'est aussi reproductif. Ça marche en français, reproductif? C'est-à-dire, sont tous les boulots qui sont connectés avec la survivance de l'être humain. C'est prendre soin des gens âgés, des enfants, de la maison, tous des boulots qui sont aussi pas rétribués ou qui sont faits de manière rétribuée, mais par des femmes. Oui, pas la majorité des femmes. Il y a peut-être quelques hommes, mais la majorité sont faits pour des femmes. Et surtout, une chose très intéressante, c'est que cette grève touche aussi le niveau des consommes. Il dit qu'il faut faire une grève où les femmes ne sont aussi pas acteurs des consommes dans cette journée. C'est-à-dire... Consommation. Ouais. Qui ne vont pas faire des achats. Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas à faire des consommations pendant la journée. Alors, c'est un grève féministe aussi qui se rend visible les femmes comme pas des gens qui vont acheter des choses pendant la journée. E quindi l'8 di marzo alle 14:30 Piazza Vittorio a Roma ci sarà il concentramento iniziale con un corteo che ci aspettiamo che abbia i numeri dei precedenti organizzati e quindi insomma non meno di 200.000 donne. Che arriverà a Piazza Venezia a Roma. Ovviamente questi momenti sono momenti belli, di gioia, quando la gente scende in strada e i corpi si uniscono e è una festa, ma il tutto non si esaurisce nella festa. Abbiamo un piano. Abbiamo un piano antiviolenza femminista e ci faremo ascoltare. E siete tutte e tutti invitati, anche dal Belgio. Alors, pour clôturer, le rendez-vous c'est le 8 mars à 14:30 à Rome. Le rendez-vous c'est à Piazza Vittorio. On attend les mêmes numéros des gens, des femmes qu'il y avait l'année passée. C'était 200 000. C'est beaucoup, ouais. On a des nombres différents. Et ça arrive jusqu'à Piazza Venezia, qu'on n'aime pas trop, par contre. Et ça va être un fête aussi, parce qu'on prend les roues. On est là avec notre corps, tout ensemble. Mais ça va pas arrêter jusqu'à la juge d'être ensemble. Parce que quand même, on a un plan anti-violence. Et on voudrait bien que les gens... Non, c'est pas on voudrait bien. Et on veut que les gens écoutent ça. Et qu'il y aura aussi un souvi sur ça. Et les Belges sont bienvenus aussi. Oui, avait... toujours. Hein. J'aimerais c'est ça qu'elle avait dit. J'aimerais qu'on dise un mot quand même de la violence, de la publicité aux femmes, qui est super important. Maintenant, tu vends une Ferrari en mettant une dame avec le cul à l'air ou des choses comme ça. Ouais. Et je trouve que ça serait intéressant de le dire parce que c'est vraiment un mépris considérer la femme comme un pire qu'un objet de la viande, quoi. Sì, uno dei tavoli di questo dei tavoli di discussione di questo movimento è stato proprio sui media, intesi come quotidiani, narrazioni, ma anche come immagini, perché i corpi delle donne vengono utilizzati per vendere. E l'erotismo non è questo. È questo quello che abbiamo voluto dire, cioè non si gioca su questo piano l'erotismo, si gioca su un piano di libertà e di reciprocità e le donne non sono disposte a mettere a disposizione il proprio corpo per il capitalismo, questo è il punto. On a abordé ces thèmes aussi dans les plans anti-violence. C'était un des temps de discussion qu'on avait tous ensemble. Et pour nous, c'est bien, bien clair que les corps ne sont pas des objets pour vendre. Et ça, ce n'est pas de l'érotisme. L'érotisme, pour nous, ça joue dans la liberté et dans la réciprocité de l'acte. Le flirting. Et bien sûr, notre corps n'est pas un service du capitalisme. Je ne sais pas si Oni veut, tu veux ajouter quelque chose sur la publicité? I may not be following this exactly 100%, but just from my understanding, we're talking about using women in advertisement and publicity and things like this. And like I believe Roberto is saying, is that this is indeed a tool of capitalism, and this is indeed another way of confirming the subordinate status of women. It's another way of putting women back and putting women behind and reinforcing the message of this patriarchal societal message of women being less worth than men. So this just, again, emphasizes this message that women are brought up with and women are constantly hearing through various forms. Ouais, ça va un peu vite pour moi, mais je vais essayer. donc, a commencé pour, en disant qu'elle ne savait pas si elle suivait bien en Allemagne, mais... En italien. Oui. Mais que c'était encore une confirmation de comment on met la femme dans un statut plus bas que les hommes, et donc c'est une reproduction du patriarcat, et c'est dire aux hommes et aux femmes aussi qu'elles valent moins que les hommes. En gros, c'est ça. Merci pour la traduction. Donc apparemment, Roberta a quand même encore 10 minutes pour répondre à des questions. Donc, et après, elle doit partir et on fait une petite pause musique. Et voilà. Moi, j'avais une question un peu sur... un certain moment, vous avez dit, c'est un changement dans l'histoire, que maintenant, les trans femmes, ils peuvent participer au mouvement, mais selon les pratiques... féministe, ou j'ai pas très bien compris concrètement ça veut dire quoi. Non, j'avais dit que ces mouvements qui donne la définition, entre guillemets, d'être très féministe. Elle a déjà un discours plus complexe dedans. Ce n'est pas seulement les féministes, les féminismes. Et les changements historiques, c'est que les hommes sont les bienvenus, mais qu'ils doivent accepter que c'est un discours des pratiques qui sont féministes. Alors, c'est une ouverture vers les hommes, mais qui doit accepter que le niveau des discours, c'est d'un discours féministe. Et Roberta disait, peut-être elle va expliquer en italien, je vais faire la traduction après. Allora, quello che volevo dire è questo, che questa società ci costringe dentro degli stereotipi, no? Maschile e femminile, quindi sono stereotipi binari. Ma il maschile e il femminile non sono rispettivamente soltanto nelle donne o negli uomini. E molto spesso il femminile è quello che viene, cioè l'esibizione di un femminile è quello che viene schernito e che fa sì che la persona che ne è portatrice viene subordinata, ok? Allora il grosso cambiamento, la liberazione, è dire proprio che il femminile è qualcosa che appartiene a tutti, ok? E stare dentro un movimento e quindi anche stare alle pratiche femministe è un atto di liberazione rivoluzionario da questo punto di vista. Cioè significa assumersi per le donne di avere un corpo di donna, di essere un soggetto politico donna che gira nel mondo e per gli uomini avere il coraggio di venir fuori, di non sottoporsi a quello stereotipo maschile, ma di venir fuori con i loro desideri e con il loro modo di essere. Ma questa è una sfida, non è già accaduto. Ok? Alors, il disait que dans la société, on a ces deux stéréotypes binaires, que c'est les masculins et les féminins. Et normalement, les féminins, c'est très subordonné parce qu'il est aussi un peu pris comme pas trop sérieux, non? On rigole des femmes plutôt. Et l'idée... ces changements historiques qu'il avait dit et qu'il vient expliquer, c'est cette libération, c'est-à-dire ces mouvements appartiennent à tous et toutes, non, en français. C'est-à-dire que c'est, tu peux être dans les mouvements et faire des pratiques qui sont féministes, comme... Comme une femme, tu peux être dans le monde et être consciente et être libre d'être dans le monde comme une femme, comme un corps de femme. Et pour les hommes, c'est-à-dire prendre conscience et exprimer son désir et pas accepter seulement la part masculine, mais aussi montrer la part, oui, accepter et faire exprimer la part féminine. Et elle dit. C'est pas qu'on est arrivé déjà là, c'est un défi, mais ça, c'est les défis qu'on a mis en face, ouais, à l'avance. Oui, mais ce qu'il faut dire, ce qui est important, il y a des psychologues et plein de gens qui ont fait ça, mais on n'en parle pas trop. Dans la partie masculine, il y a toujours un côté féminin qui est là, qui est là, voilà. Nous, en 68, on s'est battus. On s'est battu, le MLH, c'était un groupe qui était pour l'émancipation des hommes, justement pour ne pas avoir une image d'homme. C'est-à-dire d'être un homme parce qu'on est fait comme un homme, mais de ne pas avoir cet esprit de domination, des choses comme ça. Mm-hmm. Ouais. Oui, j'ai encore une question. Vous parlez donc d'un plan qui a été élaboré, un plan d'action contre la violence faite aux femmes. Je me demande à qui est-ce que vous vous adressez, On sait que, par exemple, il y a des élections bientôt en Italie. Est-ce que c'est un plan ou un sujet qui est évoqué dans les débats électoraux? Est-ce qu'il y a des partis politiques qui reprennent le plan? Et aussi, si le plan n'est pas réalisé par des partis politiques ou par un gouvernement, quelle est votre stratégie pour faire... Est-ce que vous avez un plan pour mettre en place le plan sans le gouvernement? E, come sapete, questa domenica ci saranno le elezioni politiche in Italia, quindi è una domanda molto pertinente. E, ovviamente non siamo stupide sappiamo molto bene che durante la campagna elettorale, specialmente insomma, se si intravede che c'è qualcosa da promettere, molto spesso si promette senza poi portarlo effettivamente a termine, no? E, a chi è indirizzato questo piano? Questo piano è indirizzato a tutti e a tutte, cioè è un piano che parla di violenza e che però non parla di violenza come un tema, ma prende la questione della violenza sulle donne come un espediente per ribaltare questo paradigma sociale. Allora, in questo senso, certo che ci possono essere dei partiti politici che sono interessati a prometterci di portare avanti questo piano, ma il punto è che un partito politico non può niente se non c'è un movimento dal basso che quotidianamente lavora per una trasformazione culturale. Questo è il punto. Noi non ci siamo mai riferiti a nessun partito politico e tuttora, anche insomma, con le elezioni imminenti, non siamo legati a nessun partito politico, nemmeno quelli di estrema sinistra. E, se ci sono dei partiti politici che hanno fatto un percorso da questo punto di vista, sanno di che cosa stiamo parlando. E allora forse anche loro faranno la loro parte, ma è solo una parte e non basta per mettere in atto quello che c'è scritto in questo piano. È forse politica in modo propriamente detto, nel senso che è un piano che guarda molto, molto al futuro, non è una promessa di domani, è una promessa di felicità più lunga. Voilà. Anzi, c'est une bonne question. Non, mais c'est une question qui est très importante parce que vous savez bien que le 4 mars, c'est la prochaine dimanche, on a des élections dans notre pays. Et Roberta, elle a dit, mais nous, on n'est pas bêtes pendant ce type de campagne électorale. Tous les partis, ils sont en train de faire des promesses par tout le monde. Des promesses qu'on sait bien, qu'on va pas à réaliser. Et par contre, ce plan, c'est un plan pour tous et toutes, de nouveau. C'est pas seulement sur une thématique. C'est pas un plan sur la thématique de la violence contre les femmes. C'est vraiment, on essaye, comme on a essayé aussi d'expliquer avant, c'est un peu un changement de paradigme. C'est un changement de paradigme social. Et nous, on n'a pas abordé des partis politiques jusqu'à maintenant. Et on l'a pas abordé au début du moment et on l'a pas abordé pendant la campagne électorale. Mais on croit bien que même si seulement si les partis politiques font ces parcours à l'intérieur, ils peuvent comprendre c'est quoi ce type de plan. Et même s'ils les font, c'est seulement couvrir une partie de ces plans. Et on sait bien que les partis politiques ne peuvent rien faire s'il n'y a pas un mouvement qui est à partie des gens, c'est à partie de la société, qui monte et essaye de faire une transformation culturelle, que ça, ces changements structurels peuvent venir. Ce n'est pas seulement qu'ils peuvent venir de la politique, c'est-à-dire de la politique gouvernementale au bas, mais c'est plutôt de bas vers le haut que peuvent marcher ces changements structurels. Et il dit que la définition de ces plans, c'est vraiment dans la politique, dans le sens de la politique verte. Parce qu'il dit que c'est un plan qui n'est pas pour demain. Alors, c'est-à-dire qu'il n'adhère pas à les partis politiques, à les élections qui veulent maintenir des promesses jusqu'à demain. Mais c'est un plan pour le futur, long terme, où on promet, par contre, la félicité. Tous. C'est un plan long terme de changement structurel, de libération et de félicité, tu as dit, non? Oui, mais c'est clairement, il y a clairement une pensée stratégique qui est de dire qu'il faut les partis politiques pour mettre en place le plan, des partis politiques qui sont tenus par des mouvements sociaux qui font la transformation culturelle. C'est non, ça? Non. Si moi j'ai bien compris, moi, il faut me dire, elle dit il faut que ça passe d'en bas, et c'est en bas que ça doit se faire, et n'importe après, la politique va suivre, tu vois. Donc ils ne se concentrent pas du tout dans les partis politiques. Ils n'ont pas des liens, ils n'ont même pas proposé ce plan aux partis politiques. Ils disent juste, c'est entre nous, entre les gens, que les transformations doivent se faire, et si ce mouvement devient de plus en plus large et de plus en plus visible, il y a peut-être, une fois le politique suivra, quoi, mais gouvernemental, hein, mais c'est pas leur but, c'est pas leur objectif. Non, mais bien compris. Moi j'aimerais dire que il faudrait que, comment s'appelle, le monde change cette société d'hommes. C'est ça le premier but qu'il faut faire, mm-hmm. qu'il y ait plus de société d'hommes. Et actuellement dans le monde entier, c'est une société d'hommes. Mais les hommes sont un parti actif, doit être un parti actif de ce mouvement de changement. Pour clôturer un peu ce qu'est-ce que disait Roberta, c'est vraiment la conscience d'un mouvement qui pense que les changements peuvent être seulement à partie de la société et qui ne veut pas un changement à niveau politique. C'est-à-dire, vraiment, il pense que c'est seulement les mouvements dans la société, élargir, faire de la... Éducation. Oui, éducation participative, je ne sais pas comment utiliser un mot, que les changements peuvent être faisables. Même si, et aussi les plans, même s'il est adressé au gouvernement, parce que c'est changer les paradigmes du gouvernement, ce n'est pas les dialogues avec les partis politiques pendant la campagne électorale qui va changer ça. C'est plutôt un travail que tu dois faire dans la société pour avoir ces changements. C'est ça. Les gens n'ont plus de confiance aux politiques. Non. Ils n'ont plus de confiance parce que c'est que ça soit en Italie, que ce soit en France, que ça soit en Norvège, en Finlande, en Suède ou tout ça. Les gens, ils n'ont plus de crédit politique. Non. Ouais, je ne sais pas si je dois insister ou pas, mais donc c'est un plan qui s'adresse au gouvernement. Non. Mais tu viens de le dire. Non. J'ai dit que c'est même s'il adresse les problèmes de comme le gouvernement adresse la violence contre les femmes. Quand j'ai commencé la discussion, Roberta disait que dans ces plans, on n'est pas d'accord avec le gouvernement. Qui essaye toujours de faire une lutte contre la violence contre les femmes avec la sécurisation. Et nous, on voudrait plutôt un changement structurel. Mais c'est à partir c'est pas à partir de sa critique, mais c'est de la conscience d'avoir une autre approche, que c'est pas sécuritaire, c'est que ça parte totalement dans notre sens. Oui, certo. Quello che penso è che noi non abbiamo bisogno di eroi, non abbiamo bisogno di personaggi che nella loro persona si prendano in carico un cambiamento per tutti. Abbiamo bisogno che ognuno faccia la sua piccola parte per mettere in atto quello che c'è scritto qui dentro. E quindi ci riferiamo ai partiti politici? Ovviamente no, perché questa il modo in cui agiscono i partiti politici molto spesso è attraverso dei personaggi, degli eroi che costruiscono e che dovrebbero liberarci da qualcosa. Non esiste questo. La liberazione la fa ciascuno per sé, col suo piccolo pezzo che porta nella società. Allora, se i partiti politici capiscono questo, chi lo capisce? Non siamo noi che ci riferiamo a loro, ma sono loro che si riferiscono a noi e a questo movimento globale fatto di centinaia di milioni di donne e di uomini che hanno deciso di mettersi in gioco per un paradigma diverso. Questo è il punto, è un rovesciamento. Non chiediamo niente al governo, non chiediamo niente ai partiti politici, ma se loro capiscono che il cambiamento o è femminista o viene dal basso o non è, allora saranno loro a riferirsi a questo movimento e ad altri movimenti che esistono. Tu vuoi fare aussi? Non, non tu vuoi essayer? Non, c'est pas tout compris, j'ai compris, on a grandi. Mais il disait qu'on n'a pas besoin de héros, c'est ça en français? Mais et la politique, il a plutôt ça, non? Des personnages qui disent moi, je vais libérer tous. Et on n'a pas du tout cette dans la tête. C'est plutôt c'est à partir de chacun qu'on doit faire notre partie. Et libérer d'abord nous-mêmes, faire notre partie pour libérer la société. Et c'est pour ça qu'on ne s'adresse pas à des partis. On pense plutôt que des partis des partis politiques, bien sûr, c'est pour adresser, en fait, de la référence à nous. C'est ils sont en train de comprendre que c'est un mouvement, des millions de gens qui sont en train de faire partie de ce mouvement pour changer un paradigme, pour avoir un paradigme divers, et que ce paradigme, ça part d'abord pour être féministe, pour partir dans les mouvements, soit dans les bas, et sinon, il n'y a pas un changement, c'est de ça qu'on a convaincu. Je voudrais... Pouvoir au peuple, quoi. Et aux gens. Je voudrais poser une question à notre camarade suédoise. Ok. Je voudrais. On peut faire une pause peut-être. Je propose qu'on fasse une pause et que Robert doit partir. Non, mais je vais oublier la question après. Ok. Tu poses la question et on répond après la pause. Non, je voulais poser la question parce que il y a comment ça s'appelle le modèle scandinave pour les femmes. Ça a été en Europe un truc extraordinaire. Et il y a une étude qui dit que, comment ça s'appelle, en Suède, il y a le plus de viols en Scandinavie et en Europe. Indeed, that's a very correct observation, and I will go into detail about that after the break. Donc effectivement, c'est une question pertinente et elle va parler de tout ça après la musique. Merci beaucoup. Et la prochaine fois, je vais parler en français. Barrikader per la vera libertà, för den sanna friheten. Ed jula schiavitù, och ner med slaveriet. Valjamla libertà, siamo lavoratori. Vi arbeterskor. Siamo friheten. Voilà, donc Roberta devait partir, mais nous sommes toujours là avec Oni de Suède, qui va nous parler un peu d'une autre manière, d'une autre façon de la question, et on va parler aussi de la situation en Suède, avec, entre autres avec la question que Axel vient de nous poser. Tu prends ce micro-là? Oui, ouais. Je pense que oui. OK. Good evening, everyone. Thanks for the introduction. So my name is Honey. I'm from Sweden, and I'm a feminist activist. And Roberta was really speaking about the Italian situation. I'm going to step back a bit and talk about violence against women globally, and then go into the Swedish case, because I'm guessing a lot of you are thinking right now, violence against women in Sweden, how can that even exist? It's one of the most gender equal countries in the world. And that is a very good point indeed. But just to, before we go into that, let's speak about what violence against women actually means. So violence against women is looking at the gender-based violence that results in physical, sexual, or mental harm. So if you were to look at violence against women in this form of triangle, if you imagine a triangle now, you can see anything from verbal, sexual, harassment at the bottom, and it peaks into the death of women, which sounds very morbid, but this is a reality that we live in. Just to give you an idea, around 40%, actually 38% of the deaths of women globally is carried out by an intimate partner, a male, who they are in or have been in a relationship with. So violence against women is the biggest health threat against women globally today. Donc, bah, bien sûr, elle dit bonsoir, bonsoir et merci, etc. Donc, Oni est activiste féministe suédoise. Roberta, tout à l'heure, a parlé plutôt de la situation en Italie, mais elle va essayer de prendre un peu de recul et de parler d'abord de la violence globalement. Et puis de la violence aussi dans une société considérée comme avec une grande égalité entre les genres comme la Suède. Donc la violence, ça veut dire plein de choses. Ça peut être une violence physique, sexuelle, mentale. Et si on prend, par exemple, on peut représenter ça par un triangle, hein, un peu comme on fait avec l'analyse des risques. Donc avec tout en bas des incidents plus soi-disant légers comme l'harcèlement sexuel verbal, disons, des petits trucs qui se passent peut-être dans la rue ou au boulot. Et tout en haut du triangle, on a en fait, l'assassinat, en fait, les femmes qui sont tuées parce qu'elles sont femmes. Donc, plus ou moins 40%, en fait 38% de la mortalité chez les femmes. En fait, ce sont des femmes qui sont tuées par des partenaires intimes, des maris, ex-maris, des petits copains. Et en fait, c'est un des plus grands risques de santé pour les femmes, ou le plus grand risque de santé pour les femmes. Thank you. So there are a number of international statistics that support that Nordic countries, so Sweden, Norway, Denmark, maybe Finland, depending on their stats, are the most gender equal countries in the world. Gender equal in the sense of the smallest pay gap, gender equal in the sense of paternity leave, gender equal in the sense of access to healthcare, access to education, access to all of these things. We're the most gender equal. Not to say that we are completely gender equal, but just to say that Nordic countries predominantly lead in these scoreboards. So how is it that such a gender equal country like Sweden, sorry about that, has any evidence of violence against women? This is something that has been studied in the last couple of years and is referred to as the Nordic paradox. The Nordic paradox looks exactly into this question. How do gender equal this is a tongue twister, yeah. Huh? Gender equal countries have violence against women, because in fact, Nordic countries statistically have a higher recording of violence against women than any other European country. We're way above the European average. Donc, quand on regarde les nombres, les statistiques sur la violence contre les femmes, en fait, les pays nordiques, comme on dit, les pays scandinaves, sont considérés comme les plus égalitaires sur le point de vue du genre. Donc, il y a la différence entre les salaires hommes et femmes est relativement petite. Il y a un accès assez développé à la santé, aux soins de santé, à l'éducation. Et sur le plan européen ou même mondialement, les pays scandinaves sont considérés comme les plus égalitaires, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont complètement égalitaires. Et donc, du coup, on peut se poser la question pourquoi il y a cette violence contre les femmes assez importante. Et en fait, les pays nordiques ont, dans les statistiques, en Europe, en fait, ils ont les statistiques les pires, en fait, sur ce qui concerne la violence contre les femmes. Comment est-ce possible? Et le phénomène, il est connu, il est étudié depuis un moment, et on appelle ça le paradoxe nordique. So, just to give you an idea of these numbers, the European average of gender violence against women that has been recorded is around 22%. So 22% of women in Europe say self-reported that they have experienced violence towards them. This can be anything from sexual assault, sexual harassment, beatings, and so forth. In Sweden, the number is 28%. That's actually quite a lot higher. In Denmark, we're looking at 32%. In Finland, it's 30%. For those listeners who are still here from when Roberto was speaking, in comparison, in Italy, we're looking at 19%. So there's a big difference. And the reasons for this, if you follow the discussions regarding gender-based violence, you're going to think, well, in Nordic countries, they're a lot more open about these things. They're a lot more likely to speak about it. They're a lot more likely to report these statistics. And that is the reason. And as we know, statistics don't necessarily always paint the full picture. They don't tell the full truth. But this has been studied, and this has been this idea that Nordic countries are more vocal about gender-based violence has been debunked. It's simply not true. Because actually, other European countries, non-Nordic countries, are better at reporting gender-based violent crimes than their Nordic counterparts. Oui, donc quand on voit les moyens européens sur les violences liées au genre, donc les violences aux femmes, en fait, la moyenne, c'est plus ou moins de 22% des femmes qui ont vécu ces violences en Europe. Donc on parle d'attaques sexuelles, de harcèlement sexuel, la violence verbale. Mais eh bien, pour la Suède, c'est 28%. Pour le Danemark, c'est 32%. Et par exemple, pour l'Italie, c'est 19%. Donc, on pourrait dire, enfin, il y a des gens qui disent ou qui pourraient dire que c'est peut-être parce que les gens, ils sont plus ouverts, on parle plus facilement en Scandinavie de ce genre de problème. Donc, c'est mieux rapporté, les femmes vont plus facilement porter plainte. Et les statistiques, en tout cas, ne disent pas tout. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Ça a été très bien étudié. Donc le fait de plus facilement parler de violences sexuelles, ce n'est pas du tout le cas en Scandinavie. Et il y a d'autres pays en Europe où ça se passe vraiment beaucoup mieux. And just to remind you again, these numbers are about what we call intimate partner violence. So again, it's a partner that you're either with intimately, romantically, currently, or you have been in the past. So we're not talking about a random person following you in the middle of the night and hitting you. In fact, as most women probably know, most of the violence that women face is actually typically from someone that they know or have known in the past. But this is these numbers are solely focusing on this intimate partner violence, the IPV. So if it's not, if these numbers aren't related to Nordic countries being more open about speaking about gender-based violence, then what is it actually related to? This is where it gets dark. This is where it gets very depressing, in my opinion. Research is suggesting that, in fact, there's a higher prevalence of gender-based violence in Nordic countries because of the higher rate of gender equality. This is a type of backlash against women in more gender-equal societies. It is anger over the relatively high status of women compared to their partners. So I don't like to use the word hatred, but what we're seeing here is a kind of conscious and active form of hatred against women and the progress that they're making, which is worrying on many levels, but most importantly, we see that we can't combat gender-based violence solely by obtaining a gender-equal society. And if we can't do it through that, then what can we do? Donc, juste pour préciser un peu les chiffres qu'elle venait de donner tout à l'heure. Donc, on parlait de violence d'un partenaire intime. Donc, oui, l'ancien copain ou oui, le copain. L'ancien mari ou tout ce qu'on veut. Ouais, exactement. Donc, on ne parle pas d'une violence quelconque, comme ça peut arriver. Conjugale, on appelle ça. Conjugale ou enfin voilà, en tout cas comme toutes les femmes le savent, typiquement si une femme elle subit des violences, typiquement c'est de la part d'une personne dans son environnement direct, dans son environnement typique, enfin intime je veux dire. Donc si ces nombres ne sont pas expliqués par le fait qu'on est plus ouvert, qu'on parle plus facilement des violences faites aux femmes en Scandinavie, alors pourquoi? Et donc, ça a été étudié et les constats sont assez déprimants. Donc, paradoxalement, enfin, ou apparemment en tout cas, une plus grande égalité entre les genres dans une société, quelque part, ça enrage les hommes. Enfin, disons que le statut amélioré ou le meilleur statut, le statut le plus haut des femmes dans une société, fait qu'il y a quelque part une sorte de rancœur de la part des hommes. Une sorte de haine contre les femmes. Donc, avoir une société où l'égalité homme-femme est mieux préservée ou gardée ou ancrée, et paradoxalement, peut-être aussi une des causes de violence contre les femmes. So, intimate partner violence is incredibly complex, and not to say that it's solely based on this in Scandinavia, that it's solely based on this backlash against gender equality. There are, of course, many factors. The research that I'm telling you about right now is very new. It's from 2014, I believe. So this is still not only very unexplored, but we're still really scratching the surface of it. But just to bring in other factors so that you can understand how complex it is, even factors like alcohol abuse have been directly correlated to being more likely to carry out gender-based violence, so not just in Scandinavia, but in general. And if you have any Scandinavian friends, then you know that they like to drink. So there's also things like that. We're also talking about socioeconomic statuses. We're talking about access to education. If you've been prone, if you've seen your mother being abused while growing up, whether you're a boy or a girl, again, more likely that you will experience it or carry it out yourselves. There are many factors that interplay with one another, and there is no concrete answer. The only thing that we can say is that because of the many levels of the problem, we have to take an approach that looks at it not necessarily just from a political perspective or a legislative perspective. We need to educate, we need to change the norms, we need to look at how we're raising children of today and how they treat each other. It sounds very cliche, but at the end of the day, we're seeing all of these direct causes that lead to something that I believe can be prevented in the future. Et donc, cette violence dans les relations intimes, c'est quelque chose de très compliqué. Et donc, il n'y a pas que ce facteur de cette rancœur, en fait, de la part des hommes pour le statut des femmes qui est un facteur. Il y a d'autres facteurs. Maintenant, on parle de recherches qui ont été faites en 2014. Donc, ce genre de recherche, c'est assez nouveau. Et donc, on commence seulement à gratter la surface de ces problèmes. Ce qu'on sait entre-temps, c'est par exemple, c'est l'abus d'alcool est un facteur en général, pas seulement en Scandinavie, bien sûr, un facteur en général qui renforce très fort cette violence, ce genre de violence. Et pour les gens qui connaissent les Scandinaves, on sait bien que les gens aiment bien de boire là-bas. Il y a le statut social-économique, il y a aussi l'éducation, enfin, plutôt la violence qui existe déjà dans les familles, et donc les enfants qui grandissent en voyant la violence dans leur famille et qui reproduisent donc cette violence. Donc c'est quelque chose qui se joue à plusieurs niveaux. Et si on veut une approche pour essayer de commencer à trouver des solutions ou à faire bouger les choses, le côté politique ou légaliste ne suffit pas, clairement. Et donc il faut certainement aussi miser sur l'éducation. C'est quelque chose qui a été dit depuis très longtemps, mais c'est clairement plutôt vers cette approche-là qu'il faut aller. Oui, mais il y a un problème de société, c'est-à-dire que comment s'appelle la violence faite aux femmes et la violence même faite aux hommes, parce qu'il y a une violence masculine, ça vient pas de cette société au niveau du cinéma, de la télévision, parce que ça c'est important, la télévision et le cinéma, qui a une violence telle que les adolescents ou les choses ont envie d'interpréter ou de choses. Et c'est vrai que comment s'appelle, dans cette société au cinéma, les femmes sont vues comme des femmes de rêve ou des choses comme ça, et qui sont tapées par des hommes et tout. Il y a une violence actuellement dans les séries policières, actuelles, qui sont énormes. Je traduis ? Non, ça va. Merci. yes, and the answer to that, from my perspective, is very easy. These films are produced by men. They're produced by the people who are in power. They're presenting a view of women that only half the world shares. I promise you that if there are more films that are directed and put together by women, then not only will we see less unnecessary violence against women on the screens, but women will be not only beautiful in films, but they'll actually bring something to the plot line. Donc une réponse, effectivement, il faut aussi voir que les films sont surtout faits par des hommes qui sont au pouvoir. Il y a des hommes qui ont du pouvoir. Et ce qui nous manque, c'est les films qui sont mis en scène par des femmes, qui sont écrites par des femmes. Des femmes qui ne sont pas juste belles, mais qui ont aussi quelque chose à ajouter à l'histoire qui se développe dans le film. Tu traduis en italien? And I have to say, just to add to that, that there are clear examples when you're looking at cinema already, how the storyline changes, how the narrative changes, how the roles of these gender stereotypical roles change when it's a non-heterosexual cisgendered man who is directing. sorry about those words. cisgender. Ok, mais voilà. Donc, il y a des exemples clairs, par exemple, que les storylines, donc les plots, enfin, les lignes lignes narratives, on dit ça comme ça? Oui, les scripts qui changent, donc les histoires qui changent, par exemple, déjà quand il y a un homme non hétérosexuel, cisgenre. Can you just explain a little bit cisgender, because I'm confused about this. I'm so sorry. I'm trying to be intersectional in my feminism. So cisgendered refers to identifying with the gender that corresponds to your physical sex. So you're not trans, so not transgender, not transsexual, not asexual, etc. Ah oui, donc cisgenre, donc c'est l'identification sur base de son corps biologique. Donc ça veut dire un homme qui a une bite, qui se voit comme homme, ouais. mais qui n'est pas forcément hétérosexuel, mais qui se voit comme homme. C'est ça. Ok. Bravo. Voilà. And also to add to this, when we speak about feminism, often we're talking about elevating women, we're talking about protecting women, we're talking about improving the condition for women or anyone who identifies as a woman. But let's not forget that feminism is also about giving men the same rights that women have. It's about fighting macho culture. It's about things that are as concrete as giving men the same amount of parental leave as women. It's about, when you're looking at the gender wage gap, for example, you see that it's clear, everything is interlinked. So a woman is more likely to take the more maternity leave because they earn less money. And as a result, they are penalized by the employer and have less career opportunities, etc., etc. And the man, even if they are more inclined to look after their own child, they economically it doesn't make sense. So by combating things like the gender wage gap, by combating things like forced maternal leave but not paternal leave, we're also breaking down other structures that lead to other tensions that in turn can lead to violence against women. So it's all intertwined, and it's not just about elevating women. This is about feminism is the radical notion that everyone has the same value and therefore treating people as such. Je note. donc le but du féminisme, donc c'est pas seulement de élever, non c'est pas élever, il faut pas dire ça, non en français c'est complètement différent, élever c'est comme élever un enfant, non c'est pas juste de, non de mettre la femme sur un autre niveau, ouais, disons, ou de protéger les femmes, ou d'améliorer les conditions des femmes, c'est aussi se battre pour les droits des hommes. Maintenant, on parle des hommes qui se voient clairement comme un homme biologique. Donc, c'est aussi une lutte contre cette culture machiste, qui est aussi une oppression pour les hommes. Il y a des choses très pratiques comme le congé parental, qui n'est pas égal pour les hommes ou pour les femmes. Et là, on voit aussi que, par exemple, la différence entre les salaires entre hommes et femmes mène aussi à une égalité au niveau du congé parental, parce que puisque généralement la femme gagne moins d'argent que l'homme, en fait c'est moins pire quand la femme ne travaille pas, puisqu'elle gagne moins, et c'est pire quand l'homme qui travaille plus ne travaille pas pendant 6 mois, par exemple. Bon, ce sont des logiques, et juste pour dire que tous ces genres de questions sont interagissent et qui sont entremêlées. Et puis, il y avait un très bon slogan à la fin, c'était « Le féminisme, c'est la notion radicale que... We're all equal. Nous sommes tous des égaux, mais bon, j'ai écrit trop vite. J'ai écrit trop vite et je ne sais plus lire mon écriture après deux minutes. Voilà, ok, on continue. On fait une pause musicale. Oui, peut-être une pause musicale, j'ai soif. Là. Et anche al mio marito tocca andare a fare barriera contro l'invasore. Ma se va a fare la guerra e poi ci muore, rimango sola con quattro creature. E avevano ragione i socialisti, ne more tante un semo ancora lesti. Ma San Corprete dice che dovresti a morite un ci vai un c'hanno Cristi. E a te cadore non manca l'accidenti, che a caporetto n'hai ammazzati tanti. Noi si patisce tutti questi pianti, e te nato d'un cane non li senti. E un me ne importa della tua vittoria, perché ci sputo sopra la bandiera. Sputo sopra l'Italia tutta intera e vado in culo al re con la suboria. E quando si farà rivoluzione ti voglio ammazza io nato d'un cane, e a generali figli di puttane gli voglio sparare tutti core cannone. Voilà, donc merci. Fini alors. Non, pose la question. Ah, il faut que je pose la question. Oui, je voulais savoir, est-ce que le 8 mars, il y a quelque chose qui se passe en Suède? Quelles sont les actions, enfin les événements qui vont avoir lieu? So for the 8th of March, International Women's Day, of course, the Swedish sisters will be on the streets as well. Maybe not as coordinated, well, no, we're coordinated, as maybe not as numbered and as grand as what is happening in Italy, which is truly impressive. But Swedes will also be on the street making their voices heard against violence against women and gender-based violence. Swedish activism today is very much carried out online. We're cyber activists. The conversation develops at such a speed there, and it's so easy to reach out to people from all over the country who share the same struggles as you and so forth, that this has really become the way to make your voice heard and to make collectives and groups in Sweden. So it's truly remarkable. Ok, maintenant je fais aussi la traduction de l'anglais et le français. Pour terminer, voilà. Alors, le 8 mars, ce n'est pas le même cas qu'en Italie, où il y a beaucoup de gens, il y a un nombre remarquable de gens qui sont dans la rue. Mais comme on est en train de dire, c'est aussi un activisme différent de la Suède qui s'appelle cyberactivisme. Je ne sais pas si en français, je pense que ça reste le même. C'est un peu le click-activisme, c'est-à-dire que les gens sont plutôt actifs en ligne, qui sont en train de faire des discours, de se connaître, de aussi parler à un numéro de gens plus large en ligne. Et c'est à partir de là qu'ils font leur activisme. Mais c'est aussi, Yannick qui l'a dit, mais il y aura quand même une manifestation et il y aura quand même des gens dans les rues qui sont là pour combattre la violence contre les femmes. Mais c'est vrai que dans un niveau collectif, les deux activismes de l'Italie et la Suède, ça prend des directions différentes. And maybe if I can add to that, sorry, you're doing a great job. If I can add to that, Swedes in general are from a very young age politically active, and there is a feminist political group that's very left wing, more left than the left, I dare say. And they're called Feminist Initiative. They're a party that have been active in Sweden for maybe around a decade. And they are very close to entering the parliament, and their politics are very anti-racist, pro-feminist, equality for all, very environmental as well. So we're seeing a lot of gender right activists joining this group and really trying to make a difference from within the Swedish parliament. Elle a aussi remarqué que les Suédois sont actifs à niveau politique quand ils sont déjà très jeunes. Et c'est une initiative féministe qui est active, ça fait plus ou moins 10 années. Et ça fait partie, si on veut le mettre dans l'horizon politique, de la gauche extrême. Et ils sont aussi en train de faire partie du Parlement. Ils sont qu'est-ce que tu as dit? Qu'ils sont... They are also in the parliament. They're very close to being in the parliament. Ils sont extra-parlementaires, mais quand même, ils ont un dialogue ouvert avec les parlementaires. Et c'est un mouvement, ou quand même, c'est une initiative, elle a appelé que c'est antiraciste, pro-féminisme, qu'il y a aussi un regard pour les droits environnementaux, ce sont aussi les Greens. Et il y a beaucoup de gens qui adhèrent à cette initiative, et que c'est cette initiative qu'elle a pris de plus en plus force, ampleur. Ampleur. Merci. Thank you so much. Merci beaucoup. Grazie. Merci, grazie. Merci, c'était vraiment très intéressant à part de deux vues, des deux pays différents. Voilà. Gli anarchici noi siamo di Milano e dei borghesi non abbiamo paura. Fanno gli arditi con le bombe a mano, carabinieri e guardie di questura. Ma noi abbiamo forze unite, il pensiero è dinamite ed il pugnale. La fiamma agitiamo di un ideale. Gli anarchici non hanno guerreggiato per gli interessi della borghesia. Oltre ai confini abbiamo disertato, sfidando la più atroce tirannia. Troppo estranei in un conflitto tra la forza ed il diritto e le frontiere. Vogliamo unire tutte le bandiere. Per la bandiera nostra in ogni terra, noi lotteremo con nuova energia. Abbiamo a rinnovar la nostra guerra e vincerla nel nome dell'anarchia. Urlerà la dinamite, getteremo le nostre vite, farem sul serio. L'esempio ce lo dà Brescia e Caserio. La storia nostra è storia di vendetta contro una classe rea ad ogni delitto, contro una società che maledetta alla vita ha negato ogni diritto. Seminando la tempesta, rugge già sulla sua testa il gran ciclone che si chiama sociale rivoluzione. Hanno versato il sangue sangue a fiotti arrivi per questa infame guerra della morte. Morti soldati son restati vivi, di ribellione la massa più forte. Con madama dinamite, panclastite, balistite, farem la festa che ad ogni male taglierà la testa.